qu'elle pourrait faire un footing, à quelle heure on y go. Elle me dit souvent si j'imagine, à quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Elle dit qu'elle aime toutes sortes de musique, à quelle heure on y go. Elle dit qu'elle vit la vie comme un film, à quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé. Wow, wow. Don't go, appuie sur pause. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé. Wow, wow. Don't go, appuie sur pause. Elle dit qu'elle voudrait faire du shopping, à quelle heure on y go. Elle dit je t'emmène voir des copines, à quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Elle dit qu'elle préfère mettre la musique, à quelle heure on y go. Elle dit viens mon cœur voir du pays, à quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Hey, don't go, n'arrête pas la musique, bébé. Wow, wow. Don't go, et prends la rose. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé. Wow, wow. Don't go, et prends la rose. Laisse faire la musique. Écoute la musique, écoute la musique. Elle dit aujourd'hui chez soi tranquille, à quelle heure on y go. Elle dit qu'elle pense beaucoup et qu'elle oublie, à quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Au pays des merveilles, on s'y va, viens, vas-y, va. La mission courir dans l'herbe folle, tuer le diable Rocky. Oh bébé, à quelle heure on y go. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé. Wow, wow. Don't go, le monde est rose. Laisse faire le feeling, écoute la musique, écoute la musique. Fait le tour de l'univers, mais tout ça n'est pas fini. On reste là comme de cons qui s'emmerdent, mais c'est la vie, c'est la vie. Oh bébé, c'est la vie, c'est la vie. À quelle heure on y go. Oh bébé, à quelle heure on y go. À quelle heure on y go. Bébé, vas-y, danse, bouge les dents, chérie, vas-y, danse, bouge les dents. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé, wow, wow. Don't go, le monde est rose. Don't go, n'arrête pas la musique, bébé.